إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله حفظه الله تعالى ورحمه الله تعالى: جواز الانتساب إلى السلف. ومن المعروف أن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة إلى السلفية إنما هي دعوات إلى الإسلام الحق وإلى السنة الصحيحة، سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا شك أن هذه الدعوة دعوة حق، والانتساب إليها حق. Dans ce troisième chapitre, il est question de le fait de se rapporter à Salaf, c'est-à-dire la da'wa des pieux prédécesseurs, la prêche des pieux prédécesseurs, وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين والتابع التابعين وإمة السلف، ainsi que les savants de l'époque qui nous ont devancés dans la science, dans la piété et dans tous les domaines. Et il n'y a pas de doute que cette da'wa est la da'wa de la vérité. Et ainsi, le fait de s'accrocher à cette da'wa, cette prêche, c'est la vérité, étant donné que tu t'accroches finalement à la da'wa du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimallahu ta'ala, il disait aussi, il n'y a pas de honte, yani, à la man adhara madhhab al-salaf, à celui qui montre le madhhab de salaf, salaf salih, c'est-à-dire la voie des pieux prédécesseurs, radiallahu ta'ala anhum. Wa qala al-dhahabi rahimallahu ta'ala, fal-ladhi yahtaju ila al-hafiz an yakuna taqiyan dhakiyan salafiyan. Donc il a bien nommé l'imam Zahabi, rahimallah, l'auteur du livre que tout le monde connaît, Al-Kaba'ir, les grands péchés. Il a bien nommé ici, yakuna taqiyan dhakiyan salafiyan. Donc il a utilisé le terme salafiyan dans le sens où il se reporte à salaf salih, c'est-à-dire aux pieux prédécesseurs. Wa kadha yaqala rahimallah ta'ala an Daraqutni rahimallah ta'ala لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا. Il a mentionné aussi, l'homme ne doit jamais rentrer dans la science de ilm al-kalam, ce qu'on appelle ahl al-kalam. Ce sont des gens qui parlent, qui parlent, qui parlent, qui parlent, يعني بدون العلم. ولا قال الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من النصوص من الكتاب والسنة. يتكلم فقط. الظن وقيل وقال وكذا وكذا أو أهل الفلسفة، c'est-à-dire sont des gens qui lorsqu'ils parlent n'utilisent que la théorique, que la rhétorique, ils ne parlent jamais avec des textes. ولا يتكلم بآيات من القرآن ولا بأحاديث الصحيحة عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأثار سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم. لا يتكلم بالعلم. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح: باب العلم قبل القول والعمل. Ce sont des gens qui parlent seulement avec des courants de pensée ou alors en ramenant de la philosophie. Mais ils ne parlent jamais des textes religieux. Or, on a dit, l'islam, si tu veux connaître c'est quoi l'islam, l'islam fi nusus. L'islam, il est dans les textes. Celui qui veut connaître le manhaj, il regarde qu'est-ce qu'il dit le manhaj, pas qu'est-ce qu'ils disent les gens. ou qu'est-ce qu'ils font les gens. Il se peut que tu trouves, c'est comme un converti. S'il regarde les musulmans, qu'est-ce qu'ils font, il ne va pas apprendre l'islam en regardant les musulmans. Il va apprendre l'islam, il apprend l'islam dans les textes, fil nusus, fil Qur'an et wa sunnah, dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. S'il veut apprendre c'est quoi l'islam, un converti, il apprend l'islam dans les textes. Qu'est-ce qu'Allah dit dans le Qur'an, qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans l'ahadith al-sahiha. كذلك من يريد معرفة المنهج منهج السلف الصلف الصالح هذه السلفية لا ينظر إلى السلفيين ينظر ماذا قال المنهج ماذا يقول المنهج يغقر كيس كي دي المنهج ستادير كيس كي دي للتكست دان المنهج كيف تفهم النصوص كيف تفهم الكتاب والسنة والفهم فهم الكتاب والسنة إلا بفهم السلف الأمة رضي الله تعالى عنهم. Celui qui veut apprendre c'est quoi le manhaj, c'est quoi c'est le vrai islam authentique dans la bonne compréhension, il ne va pas regarder les gens qu'est-ce qu'ils font. Parce qu'il peut trouver des gens de la sunna qui peuvent avoir des manquements dans certaines choses. Alors lui va se référer à ça. Il va dire c'est ça, c'est la fille. Il doit regarder qu'est-ce qu'il dit le manhaj. Qu'est-ce qu'elle dit cette révélation sur ce manhaj, manhaj ou salim. Comme on a dit dans la fatiha, « Ihdina surat al-mustaqim, surat al-ladina an'amta alayhim » أنعمت عليهم يقول الله تبارك وتعالى أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أفضل من الأنبياء هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أفضل من الصديقين هو أبو بكر صديق رضي الله تعالى عنه وأفضل من الشهداء هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني صراط المستقيم صراط النبي صلى الله عليه وسلم صراط أبي بكر الصديق وصراط عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني صراط يعني طريقة السلف الكتاب والسنة بفهم السلف بفهم أبي بكر وبفهم عمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Celui qui veut apprendre c'est quoi le manhaj, il regarde pas qu'est-ce qu'ils font les gens, il regarde qu'est-ce qu'ils ont fait الصحابة والتابعين et ceux qui les ont suivis, ceux qui les ont suivis même parmi les grands savants qui les ont suivis jusqu'à aujourd'hui, il regarde cette bonne compréhension, la compréhension correcte. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné de les suivre. Lorsqu'il a dit, soyez sur ma sunna, la sunna des califes bien guidés. Donc il ne rentre pas dans l'ilm al-kalam, ou l'al-jidal. Belkana salafiyyan. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il suit al-salaf. Yani al-salafi ou yatabi'u al-salaf. Faqat. Tayyib. وقد سئل شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى هذا السؤال ما تقول في من تسمى بالسلفي أو الأثر هل هي تزكية؟ lorsque Cheikh Abd al-Aziz bin Baz رحمه الله il a été questionné au sujet de cette question, que dites-vous sur celui qui se nomme salafi ou bien al-athari? On a déjà expliqué al-athari, يعني يتبعوا athar les traces, athar al-salaf, les traces des pieux prédécesseurs. Il suit les traces des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est une tesquia? Tesquia en français. C'est une recommandation, attestation, mais c'est un peu plus poussé que ça. فأجب رحمه الله إذا كان صادقا أنه أثر أو أن سلفي لا بأس. Qu'est-ce qu'il a répondu? Si إذا كان صادقا s'il est véridique dans ce qu'il dit qu'il est athari ou salafi, c'est-à-dire s'il est vraiment véridique dans le fait qu'il suit al-salaf, قال لا بأس, il n'y a pas de mal. ثم قال رحمه الله مثال ما كان السلف يقولون فلان سلفي فلان أثري تسكية لابد منها تسكية واجبة. Il a dit maintenant السلف, on a des exemples comme quoi السلف il disait un tel فلان سلفي أو فلان أثري يعني هو يتبع السلف. فلان il est سلفي يعني il suit السلف, il suit الصحابة dans la compréhension des textes, dans la compréhension du Coran, dans la compréhension de la Sunna, il suit الصحابة et ceux qui les ont suivis. أو أثري, أثري يعني أثر, يتبع الأثر. ما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عليكم بالاستقامة والأثار. Soyez sur la droiture et sur يعني الأثار la trace. la trace de As-Sahaba radiallahu ta'ala anhum. Teskiyatun la buddha minha. Là, il a dit, cette teskiya, il faut qu'elle soit là. Il faut qu'elle soit là. Teskiyatun wajiba. Et elle devient obligatoire. Pourquoi ? Afin de différencier بين أهل الحق و أهل الباطل. Afin de différencier entre quelqu'un qui est de la sunna et quelqu'un qui est des gens de l'innovation. Et même certains parmi les gens de l'innovation veulent se faire passer pour les gens de la sunna. Donc ça vient contredire ce qu'on essaye, ce que beaucoup essayent de faire croire, des du'ats, hein, qui pensent qui mentent sur l'ulama, notamment sur Cheikh Abdelaziz Ben Baz, comme ils mentent aussi sur Cheikh Al-Fawzan ou Cheikh Al-Uthaymeen, rahmatullah alayhim, en disant que ces ulama-là, ils ont dit qu'il ne faut jamais dire salafi. Ce sont des mots, des aqwal ou des fatawa qui ont été détournés. Même si Cheikh Al-Uthaymeen l'a dit, il est revenu sur cette parole. Et dans plusieurs audios, même dans certains livres, comme Sharh Al-Aqid Al-Wasitiyya, on le retrouve où il mentionne Annahu Salafi. Yani, Yattabi'u Salaf. Al-Tamiz bayn al-Haqq wa al-Batil. Fakat. Al-Tamiz bayn ahli sunna wa ahli al-Bidah. Ce nom, juste pour faire différence, comme à l'époque, entre Ahl al-Sunnati wa al-Jama'a, wa Ahl al-Hadith, wa Ahl al-Athar, hein, les gens de la Sunna, comme Sahaba et autres, on se sont donné un nom afin de se différencier à chaque fois des gens de l'innovation qui, eux, se disaient être des gens de la Sunna. Donc, ainsi, ils ont menti sur l'ulama, sur ce qu'ils ont voulu dire. Alors, l'ulama, ils ont mentionné de ne pas dire Salafi, si c'est, tu dis que c'est Salafia, c'est un hizb parmi d'autres hizb. Salafi, Tabliri, Ikhwani, ilakhiri. Dans ce cas-là, tu ne fais plus la distinction entre Ahl Sunnah ou Ahl al-Bidah. Or, ce nom-là, il n'a été là que pour ça, que pour différencier بين Ahl Sunnah ou Ahl al-Bidah. Et c'est le même avis que Sheikh Al-Allama Muhammad Nasser Din Al-Albani, rahimallahu ta'ala. وكذلك شيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى سئل وقال ما هي السلفية اليوم بدي ما هي السلفية سكو السلفية السلفية هي السير على منهج السلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة في العقيدة والفهم والسلوك ويجب على المسلم سلوك هذا المنهج. Il a répondu, lorsqu'on lui a dit, c'est quoi As-Salafiyya, Cheikh Saleh Al-Fawzan, Ibn Fawzan Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, As-Salafiyya, c'est yani, le fait d'être sur le chemin des salafs, des anciens, des prédécesseurs, parmi les sahaba, ainsi que ceux qui les ont suivis, ainsi que les générations, les belles générations, les bonnes générations, hein, ceux qui ont suivi après sahaba, wa tabi'in, dans la aqidah, dans la croyance, dans la compréhension, al-fahm, al-suluk, et il est obligatoire à chaque musulman de suivre ce chemin. Pourquoi ? Parce que celui qui suit ça, il suivra le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que les sahaba, ils sont le lien entre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la ummah. Donc, tous ces grands ulama n'ont pas vu de mal sur le fait de s'appeler salafi, ou as-salafiyya, ou as-salafiyyin, ou as-salafiyyun. Et ils ont déjà utilisé ce genre de nom. يعني السلفيون أتباعا لمن سبقهم من الأئمة. يعني هم السلفيون, c'est qui ? Ce sont ceux qui suivent ceux qui les ont devancés parmi les imams, parmi les grands savants de l'époque. رحمهم الله تعالى. Dans ce quatrième chapitre, il rappelle certaines preuves qui montrent l'obligation ذِكْرُ بَعْدِ الْأَدِلَّةِ أَدَلَّةُ عَلَى وُجُوبِ اِتِّبَعَ السَّلَفِ الصَّارِحِ وَلُزُومِ مَذْهَبِهِمْ. Le rappel de certaines preuves qui montrent l'obligation de suivre السَّلَفِ صَالِحِ, les pieux prédécesseurs, et de se conformer à leur madhhab. يَقُولَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاتَّبِعَ السَّبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. Taïb, c'est-à-dire ce qu'Allah Azzawajal a dit, suis le chemin de celui qui est venu à moi. Suis le chemin de celui qui est venu à moi. فقد أمرنا الله تبارك وتعالى باتباع سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء أثارهم وسلوك منهجهم. Ici Allah تبارك وتعالى nous a ordonné de suivre le chemin des compagnons du messager d'Allah عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم et de suivre leurs traces ainsi que de se conformer à leur منهج. Et c'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim رحمه الله تعالى après avoir appelé ce verset واتبع سبيل من أناب إليه, il a mentionné وَكُلٌّ مِنَ الصَّحَابَةِ مُنِيبٌ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَيَجِبْ اتِّبَعَ سَبِيلِهِ وَأَقْوَالِهِ وَاِعْتِقَادَتِهِ مِنْ أَكْبَرِ سَبِيلِهِ. Donc, tous les compagnons sont venus vers Allah, tabaraka wa ta'ala, ils sont concernés par ce verset. Et donc, il est obligatoire de suivre le chemin de Sahaba. Si Allah nous ordonne de suivre le chemin de celui qui est venu vers lui, alors que les Sahaba sont venus vers lui, alors il devient obligatoire de suivre leur chemin, ainsi que leurs paroles, ainsi que leurs croyances. Et c'est ce que Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné. Wa hadarana Allah tabaraka wa ta'ala min mukhalifati sabilihim. Et il nous a averti contre le fait de ne pas suivre leur chemin. Yaqul Allah jalla wa ala. Et Allah azza wa jalla a promis le feu à celui qui ne suit pas le chemin des pieux prédécesseurs. وَمَنْ يُشَقِقِ الرَّسُولِ, celui qui contredit le messager d'Allah, مِنْ بَعْدِ مَتَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, après que la vérité la guidée lui soit parvenue, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, المؤمنين في هذه الآية هم الصحابة, et qui suit un autre chemin que celui des croyants. Et les croyants ici, il s'agit de الصحابة. نَوَّلِهِ مَتَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ. Hein, il aura comme dur châtiment le châtiment de l'enfer. Nasallallahu al-afwa wa al-afiya wa salam. Donc ici Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné at-tarhib wa at-tarhib, c'est-à-dire il faut suivre le chemin de salaf al-salih. Celui qui suit pas ce chemin-là, ghayr sabil al-mu'minin, un autre chemin que celui des croyants. Alors que les croyants dans ce verset, il s'agit de sahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Allah Azza wa Jalla lui a promis l'enfer. Cela signifie qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala lui-même ordonne de suivre As-Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Quant à celui qui suit ce chemin, Allah Tabaraka wa Ta'ala lui a mentionné le paradis. As-Sabiqun al-Awwal-Sabiqun al-Awwalun min al-Muhadirin wal-Ansar wal-Ladina tabi'uhum bi-Ihsan radiyallahu anhum wa radu'an. Ceux qui vous ont devancé parmi les premiers parmi al-muhajirin wal-ansar, et ceux qui les ont suivis dans le bien, Allah est satisfait d'eux et satisfait d'Allah. Wa'adda lahum jannatin tadri tahtaha al-anharu khalidina fiha abadan. Et Allah Azza wa Jalla leur a préparé des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, et ils y resteront éternellement. Dhalika al-fawz al-azim. Donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala fi at-targhib, at-tarhib wa at-targhib, c'est-à-dire qu'Allah azza wa jal avertit, attention à celui qui ne suit pas le chemin des pieux prédécesseurs. Celui-ci, il aura comme rétribution le feu, al-jahannam. Quant à celui qui suit as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar, ceux qui nous ont devancés parmi al-muhajirin wal-ansar, wa hum as-salaf, celui-ci, Allah azza wa jal lui a promis le paradis. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يتبعوا سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a ordonné à sa communauté de suivre sa sunna et la sunna des califes après lui. فقال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعيش منكم, celui qui va vivre parmi vous. Hein? فَإِنَّهُ مَنْ يَعِيشْ مِنْكُمْ, celui qui va vivre parmi vous. فَسَيَارَ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا, فَسَيَارَ, il verra. يعني في المستقبل. Il verra beaucoup de divergences. Ici, le prophète, il a reçu la révélation venant d'Allah, tabaraka wa ta'ala, car le prophète ne connaît du futur que ce qu'Allah lui révèle. Or ici, Allah, tabaraka wa ta'ala, lui a bien révélé qu'il va y avoir des divergences dans la Ummah. Ça, c'est pour taire les gens qui osent dire que Ahl Sunnah, As-Salafiyoun, vous faites la division. Sans vous, il n'y aurait pas de division. Subhanallah. Mada qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est sorti de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Sortira, il y aura celui qui va vivre parmi vous. Il parle à qui? As-Sahaba. Il est devant Sahaba, radiallahu anhum. Or, celui qui va vivre parmi Sahaba, fasayara ikhtilafan kathira. Il va voir. Il va rester vivant, mais il va voir beaucoup de divergences. Fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin min ba'di. Alors, soyez sur ma sunna. Et la sunna des califes bien guidés après moi. C'est quoi le remède à toutes ces divergences? C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui vont le suivre. As-sahaba. Men hum al-khulafa? Abu Bakr, wa Omar, wa Uthman, wa Ali, wa radiallahu ta'ala. Hum sahaba. Les plus grands parmi les compagnons. Alaykum bi sunnati, sunnatu al-rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, wa sunnati al-khulafa al-rashidin, wa sunnatu al-salaf al-ummah, sunnatu al-sahaba, wa radiallahu ta'ala. عنهم من بعد تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est pas contenté de dire de la suivre. Il va falloir la tenir et la tenir fermement. قال, parce qu'il a dit تمسكوا بها, accrochez-vous à elle. Là aussi il aurait pu s'arrêter, mais il s'est pas arrêté. وعدوا عليها بالنواجذ, mais accrochez-vous à elle, mais en plus mordez-la à pleines dents avec vos molaires. Mordez-la fortement. Il ne s'agit pas de la tenir comme ça. Aujourd'hui, tu es salafi, tu es à la sunna, mais demain, tu es quoi? Avec toute la fitna qu'il y a autour, avec tous ces gens qui prétendent qu'ils sont du manhaj salafi et qui, un jour ou l'autre, Allah tabaraka wa ta'ala, les dévoile et montre leur vrai visage. Le visage de l'hizbiyya, wali'adu billah, al-mubtadi'a. Seulement pour attirer les gens, ils disent as-salafi, nahnu salafiyoun, wa hadi da'wa salafiyya. Et si tu regardes bien, il n'y a pas les règles du manhaj salafi. Ce n'est pas le qawaid al-manhajiyya que as-salaf al-salah, ils nous ont transmis. Mais ce sont ses propres règles à lui ou les règles de son du mouvement qu'il suit. Et chacun prétendant être dans la vérité. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué ce hadith en disant, et faites attention aux nouveautés. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Car toute nouveauté dans la religion d'Allah est une innovation. C'est quoi une innovation? On a dit que cette chose-là, cette parole, ou cet acte, ou cette croyance, elle te rapproche d'Allah, elle fait partie de la religion. Or, il n'y a aucun texte. Il n'y a aucune preuve. Ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni عند الصحابة. Il n'y a rien. C'est une chose qui a été inventée, une chose qui a été rajoutée. Comme c'est ajouté. Comme cela s'est passé avec les époques qui ont suivi après الصحابة radiallahu ta'ala anhum. Et même pendant que les sahaba étaient là, comme al-khawarij. Wa kulla bid'atin dalala. Et toute innovation est un égarement. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Wa hadith, hadithun sahih. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, khayur nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Al-hadith. Les meilleurs des gens, c'est ma génération, puis celles qui les suivent, puis celles qui les suivent. Yani les trois premières générations. La génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa sahaba, wa tabi'in, wa tabi'in, wa hum as-salaf, radiallahu ta'ala anhum. Donc on voit bien ici qu'il y a le fait de les suivre. Tout ça sont des preuves pour dire qu'il faut les suivre. Wa wasafa sallallahu alayhi wa sallam, firqatan najiyah, wa qala ma'ana alayhi liyumu ashabi. Il a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné un attribut à ce groupe sauvegardé en disant, ce sont ceux, ma ana alayhi al-yawm, ce sont ceux qui sont sur ce que je suis moi aujourd'hui, wa ashabi, et mes compagnons. Ils étaient sur quoi? Ala al-kitabi wa sunnah. Sur le Coran et la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont compris comme Allah a voulu qu'ils comprennent. Ils ont compris comme Allah a voulu qu'ils comprennent. À la compréhension qu'Allah a voulu qu'ils comprennent. Donc celui qui est sur leur voie, celui-ci, فهو من الفرقة الناجية ومن خالفهم وابتدع عنهم فيكون من أهل الوعيد. Quant à celui qui les contredit ou qui innove indépendamment d'eux, il fait partie des gens qui ont l'avertissement sur eux. Quel avertissement ? Celui que l'on a lu dans le verset, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné l'enfer à celui qui ne suit pas le chemin des croyants. Wa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Suivez, mais n'innovez pas, car ils vous suffisent. Qu'est-ce qui vous suffit ? Al-Kitab wa Sunnah. Le Coran et la Sunnah vous suffisent. Suivez, mais n'innovez pas. Vous voyez bien que les Sahaba, ils suivaient, khlas. Nabi Sassam disait une chose. S'ils avaient une ambiguïté là-dessus, ils questionnaient le prophète Sassam, il leur éclaircissait la chose, et ils suivaient. Ils ne se cassaient pas la tête. Ils suivaient la Sunnah. Parce qu'ils avaient Tawakkul Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ils ne se sont pas dit, mais après le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, une fois qu'il est mort, peut-être on va changer ça, on va changer ça. Comme il n'est plus là, c'est plus pareil. Peut-être on va faire comme ça, on va faire comme ça. Wali'adhu billah. Ça ne leur a même pas traversé l'esprit, ça. Radiallahu Ta'ala anhum. Ils ont suivi la Sunna. Parce qu'ils savent que la Sunna du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, elle est hatta taqum as-sa'a, jusqu'à ce que l'heure arrive. ثم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ونتبع ولا نبتدع. Nous suivons mais nous n'innovons pas. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه عليكم بالسبيل والسنة. Soyez sur le chemin et la sunna, يعني السبيل سبيل المؤمنين. À la sabil al-mu'minin, sur le chemin des croyants, comme ce qui a été rapporté dans le verset du Coran. Abu al-Aliya, il disait aussi, soyez sur la première génération, sur ce qu'étaient les premiers, avant que vous ne vous divisiez. Soyez sur ce qu'étaient les premiers, c'est-à-dire sahaba, avant que vous ne vous divisiez. Quand est-ce que la division a commencé ? Elle a commencé quand les gens ont commencé à se séparer de Sahaba et de leur compréhension. C'est là que la division a commencé à arriver. Wa qala al-Awza'i rahimahullah, isbir nafsak ala sunnah. Patiente. Yani, fais patienter ta nafs, hein, patiente sur la sunnah, c'est-à-dire la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala aydan رحم الله تعالى عليك بأثار من السلف وإن رفضك الناس. Sois sur la trace des pieux prédécesseurs, des pieux, des anciens. وإن رفضك الناس. Même si les gens te délaissent. Même si les gens te délaissent. Aujourd'hui, lorsque tu avertis contre tel jama'a ou tel groupe ou tel groupe ou tel groupe, la première chose qu'on te dit, ils ne peuvent pas être dans l'égarement, subhanallah, regarde le nombre qu'ils sont. Ce n'est pas le nombre qui fait la vérité. وإن رفضك الناس. Même si les gens te laissent, reste sur la sunna. On ne suit pas le nombre. La majorité des gens vont en enfer. Allah tabaraka wa ta'ala ne dit-il pas fil hadith al-Qudusi lorsqu'il parle à Adam, il dit à Adam, sur 1000, prends-en un. Un au paradis et 999 au feu. Allah azzawajal n'a-t-il pas mentionné à son prophète, si tu suis la majorité des gens, yani tu cours à ta perte. Subhanallah. Yom al-Qiyamah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit, il viendra un prophète seul. Chaque prophète viendra avec ceux qui l'ont écouté. Mais viendra ce jour-là un prophète seul. Ça veut dire quoi ? Personne ne l'a écouté. Alors on va dire quoi ? On va dire que ce prophète-là, il a faux parce que la majorité des gens, ils ne sont pas avec lui ? Non, c'est un prophète d'Allah. Il est forcément dans la vérité. Seulement les gens ne l'ont pas suivi. Ce n'est pas la majorité qui fait la vérité. Ce n'est pas une règle. Et le Coran et la Sunna prouvent le contraire. وقال الإمام أحمد رحمه الله أصول السنة عندنا تمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. الإمام أحمد رحمه الله disait parmi les bases de la sunna chez nous, يعني chez les gens de la sunna, le fait de s'accrocher fermement sur ce qui étaient les compagnons du messager d'Allah عليه الصلاة والسلام, ainsi que d'être conforme à eux et d'abandonner l'innovation. Donc tous les savants de la Ummah, les gens de la Sunna, que ce soit d'avant jusqu'à nos jours aujourd'hui, ont tous appelé à suivre As-Salaf al-Saleh. Hein? Et aucun d'entre eux n'a interdit le fait de mentionner Annahu Salafi. Les gens acceptent le terme Sunni. Yani, quand on dit Sunni, Fulan Sunni, Yani, huwa ala sunnati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. ولماذا لا يقبل الكلمة التسمية السلفي يعني السلفي يتبع السلف السني هو يتبع السنة السلفي هو يتبع السلف في فهم السنة dans la compréhension de la sunna. أين المشكل؟ في إشكال؟ Il y a un problème dans ce nom-là? Il y a pas de problème dans ce nom-là. Seulement les gens ils entendent plusieurs choses sur السلفية السلفية كذا والسلفية كذا وكذا وكذا. C'est tout sauf la bonne. La bonne définition. Il est normal que s'il voit Ahlul Bidah faire telle chose ou dire telle chose et que celui-ci se dit Salafi, c'est normal qu'il va avoir peur de As-Salafi. Parce qu'il n'a pas la vraie image de As-Salafi. Tayyib. Dans son cinquième chapitre, l'auteur l'a mentionné Manhaj al-Salaf al-Aqida. La voie de Salaf. Comment les pieux prédécesseurs ils étaient dans l'Aqida. Aqida tu Salaf. Si tu as une aqidah, il faut que ta aqidah, ta croyance, elle soit la même que As-Sahaba, radiallahu ta'ala anhum, ainsi que ceux qui les ont suivis. Donc, l'aqidah, aqidah tu salaf, elle était, hiya mabniya ala al-kitab wa sunnah. Elle a été, elle est basée sur le Coran et la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, premièrement. Deuxièmement, leur aqida, elle est basée aussi et elle est appuyée par la sunnati sahiha, par la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a rajouté ici l'auteur sawa'un kanat hadhihi sunna as-sahiha mutawatira am ahadan. Que ce soit un hadith ahad ou mutawatir, c'est-à-dire qui a été rapporté par plusieurs sahaba. Parce que certains, min ahlul bida', ils veulent faire croire qu'un hadith qui a été rapporté par un seul compagnon, le hadith al-ahad, il n'y a qu'un compagnon qui l'a ramené, on ne peut pas le prendre ce hadith. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, ils veulent dire que as-sahaba, un compagnon tout seul comme ça, il se peut qu'il soit trompé, ou on ne peut pas accepter ça fil l'aqida. Hadha al-qawl qawlun batil, wa laysa bis-sahih. Hadith, innama al-a'malu bin-niyyat, qui a rapporté ce hadith ? Omar al-Khattab radhiyallahu anhu, c'est le seul à avoir amené ce hadith. Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. C'est le seul Omar al-Khattab à avoir rapporté ce hadith. Chaque acte ne vaut que par son intention. Il est le seul compagnon à avoir amené ce hadith. Alors on ne va pas prendre ce hadith parce qu'il y a un compagnon seulement qui l'a ramené. Ce hadith-là, il est min usul al-islam, min usul al-din, min usul al-sunnah. Comme il a dit l'imam Ahmed, rahimallah. C'est un hadith qui est dans les bases de la sunnah. On accepte à partir du moment où il est sahih et que les sahaba sont dignes de confiance, alhamdulillah. Or les chiites et autres, ils veulent enlever ce genre de hadith. Wala yaqbal le hadith al-ahad. C'est pour ça que l'auteur ici il a bien montré le madhhab ahl sunnah. يعني هذه السنة الصحيحة متواترة أم أحادا que ce hadith est متواتر c'est-à-dire il est rapporté par plusieurs sahaba un même hadith un seul hadith il est rapporté par plusieurs sahaba ou même s'il n'y a qu'un seul من الصحابة qui l'a rapporté nous on l'accepte ça c'est مذهب أهل السنة et c'est pour ça qu'il l'a ramené pour faire cette distinction même في العقيدة même si c'est في العقيدة contrairement à ce que disent أهل البدع les gens de l'innovation qui disent On n'accepte pas le hadith ahad dans l'aqida. Hada laysa bis-sahih. Troisièmement, at-taslimu bima jaha bihi al-wahy. Le fait de se soumettre entièrement à ce qui est venu avec la révélation et de rejeter et de l'inexistence dans le fait de rejeter bil-aqal ce qui pourrait contredire l'aqal. Certains min ahlul bidah comme al-Ghazali non pas l'ancien, mais le contemporain, même s'il est mort, qui disait « Al-hadith al-sahih, même s'il est sahih, mais il vient contredire mon aql, ma raison, je ne l'accepte pas. » Et un hadith da'if, mais qui va en conformité avec ma raison, je l'accepte. Subhanallah. Il rejette le wahi, la révélation. Pourquoi ? Tout ça parce que sa raison n'accepte pas ce hadith. Lorsqu'il a rejeté le hadith, hadith Moussa, alayhi salatu wassalam, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi sahih al-Bukhari, hadith un sahih, fi sahih al-Bukhari, idha dakhala malik al-mut, bi surati rajul, fi bayti Moussa, wa dakhala Moussa wa darabahum. Malik al-Mut, il est venu voir Moussa. Il est venu sous forme humaine. Vous savez que les anges se présentent sous forme humaine quand ils viennent voir les prophètes. Il est venu voir Moussa, alayhi salatu wassalam. Quand Moussa, il a vu un homme chez lui, il l'a rentré, il l'a tapé. Et il lui a crevé l'œil. Ensuite, Malik al-Mut est retourné auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et lui a dit, tu m'as envoyé vers quelqu'un qui n'aime pas la mort. Allah, il lui a dit, ça c'est Moussa. Pourquoi il l'a tapé ? Il ne savait pas que c'était Malik al-Mut. Lui, il a vu un homme chez lui, il l'a tapé. Moussa, alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'il a dit, al-Ghazali, à ce moment-là ? Il a dit, moi, je n'accepte pas ce hadith. On ne peut pas accepter ce hadith. Comment Moussa, il peut taper Malik al-Mut et lui crever un œil ? هذا الحديث حديث صحيح بالسند في صحيح البخاري سبحان الله الحديث اللي اوثنتيفي لي dans صحيح البخاري et lui tout simplement parce que sa raison elle ne l'accepte pas alors il prend pas comme le hadith الذباب la mouche le prophète s'est dit lorsque la mouche elle vient dans ta boisson il faut plonger la mouche et la ressortir plonger la mouche et la ressortir ça concerne les boissons comme il a bien expliqué Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah fi sharh al hadith fi bulugh al maram. Ça concerne les boissons. Il dit même le miel, on ne plonge pas. Il parle des boissons. Pourquoi ? Parce que le Nabi Sassam, il a dit dans l'aile, elle a un poison, dans l'autre aile, elle a l'antidote. Hadith sahih. On doit y croire, ça fait partie de l'wahi. Qui lui a révélé ça ? Allah, tabaraka wa ta'ala. Le prophète Sassam n'a-t-il pas dit ma sunna m'a été révélée ? Comme le Coran. C'est pas deux choses. Le kitab wa sunna, c'est la même chose. C'est pas deux choses. Les deux, c'est une révélation venant d'Allah, tabaraka wa ta'ala. On ne peut pas dissocier l'un avec l'autre, l'un de l'autre. Tu prends le Coran, tu prends le Sunna. Tu prends le Sunna, tu prends le Coran. Donc, dans l'aqidah, at-taslim bima jaha bihi al-wahi. Ils acceptaient, ils se soumettaient à ce qui venait de la révélation. Et ils rejetaient les choses qui contredisaient, même si elles contredisaient l'aqal. Si ces choses-là contredisaient même leur raison, ils les acceptaient. Ils acceptaient ces choses-là qui venaient de la révélation, même si leur raison ne pouvait pas comprendre cette chose-là. Quatrièmement, ils ont rejeté ilm al-kalam wal-falsafa. Ilm al-kalam, ces gens, ces beaux parleurs qui parlent beaucoup, mais il n'y a toujours pas de texte, il n'y a toujours pas de dalil. Quant à ceux qui disent que ahlul kalam, ils sont comme ils sont, mais au moins, ils savent répondre quand ils parlent. Les mouchriquins ou les kuffars. Certains disent, ahlul kalam, ils ont du bien. C'est que quand ils parlent devant le kuffar, ils ont la réplique, ils ont la rhétorique, etc. etc. Subhanallah. Aïna al-kitab, aïna sunna. Le Coran et la sunna, ça ne suffit pas. Dans le Coran et la sunna, n'y a-t-il pas des prophètes qui ont parlé à des kuffars et à des mouchriquins dans leur propre da'wah ? Ce n'est pas des exemples pour nous ? Ahlul kalam, laysu min ahlus sunnah. Kadhalika al-falsafa. Certains sont venus ramener les règles de la philosophie. La philosophie sont des règles tirées de la pensée de personnes, de certaines personnes. Et ils en ont fait quoi ? Ils en ont fait des règles. Voire quelquefois des règles incompréhensibles, même si eux, ils vont dire, mais vous ne pouvez pas comprendre, comme être ou ne pas être. Il y a celui qui existe et il y a celui qui n'existe pas, ça s'arrête là. Ce n'est pas la peine d'aller chercher plus loin que ça. Et ils ont commencé à rentrer ça, fil asma wa sifat, dans les noms et les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ils ont été chercher des qawa'id, des règles, dans les religions des Grecs et des chrétiens, des Romains de l'époque, et les faire rentrer, fil qawa'id, fil asma wa sifat, dans les noms et les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ainsi, ils se sont égarés au fur et à mesure. Nas'Allah l'afwa wa l'afiyah wa s-salama. Cinquièmement, aqidatu s-salaf, ils ont rejeté at-ta'wil al-batil, la mauvaise interprétation. Beaucoup sont arrivés avec des interprétations différentes, notamment dans les noms et les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'Allah azza wa jalla a mentionné Yadullah, Yadullah, la main d'Allah, la main d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est par celui qui détient mon âme dans sa main. Dans la main de qui? La main d'Allah, tabaraka wa ta'ala, biyadihi. Yadullah et tabaraka wa ta'ala. Seulement, le comment il existe, mais il nous est inconnu. Et y croire est obligatoire. Tout ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah, ça a toujours été la même règle. Faites-les passer comme vous les avez reçus. Allah, il s'est levé au-dessus de son trône. Na'am, Allah, il s'est levé au-dessus de son trône. Comment? Allahu a'lam. Le comment, il est connu auprès d'Allah. Mais on est obligé d'y croire, puisqu'Allah, il l'a informé sur lui-même. Subhanallah. Wal-imanu bihi wajib. Et y croire est obligatoire. Wal-su'alu anhu bid'a. Qala l'imam Malik, rahimallahu ta'ala. Et questionner sur cela est une innovation. Pourquoi c'est une innovation? Parce que quand le verset a été descendu et que le prophète sallam l'a récité aux sahaba, il n'y a pas un seul parmi les sahaba qui a dit « Kayfa ya Rasulullah ?» Il n'y en a pas un qui a dit « Comment, ô messager d'Allah, le tout miséricordieux s'est-il élevé au-dessus de son trône ?» Il n'y en a aucun qui a posé ça, cette question. Ils ont pris, ils ont fait passer à la génération d'en dessous, qui a fait passer à la génération d'en dessous, etc. Mais malheureusement, certains ont commencé à faire ta'wil al-batil, hein, une mauvaise interprétation. Sixièmement, ce qu'ils ont fait, c'est al-jam'u bayn an-nusus fi al-mas'alati al-wahida. C'est que dans une même question, al-jam'u an-nusus, ils ont rassemblé les textes, al-kitab wa sunnah. Ils ont rassemblé les textes. Ils sont restés sur la révélation qui sont le Coran et la Sunna. Et c'est pour ça que l'imam Barbahari, rahimallahu ta'ala, qui était l'élève des élèves de l'imam Ahmed, rahimallahu, et l'imam Barbahari, rahimallahu, était très connu pour sa dureté envers les innovateurs et dans ses répliques. Il a écrit un livre qui est une base dans l'aqidah, qui sert de base fil aqida wa fil manhaj, Sharh Sunnah. Son livre qui s'appelle Sharh Sunnah, hein, qui est, si on traduit, l'explication de la Sunnah, où il a ramené des points, les points principaux de l'aqida, hein, et du manhaj, et il a éclairci ces points-là. Et il a mentionné, rahimallahu ta'ala, il disait, sache que cette religion qui est venue, elle est venue d'Allah tabaraka wa ta'ala, et elle n'a pas été faite pour que la raison des hommes commence à la transformer. C'est-à-dire c'est la raison des hommes qui doit suivre cette révélation. Et ce n'est pas la révélation de suivre leur raison ou bien leur manière de voir les choses. Wa ilmuhu 'inda Allah tabaraka wa ta'ala wa 'inda Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et la science de cette révélation, elle se trouve auprès d'Allah et auprès du messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Et ensuite, il dit bien, ne suis pas ta passion dans cela, en ce qui concerne la religion, sinon tu sortirais de l'islam. Sinon, tu sortirais de l'islam, à partir du moment où tu commences à vouloir expliquer à ta propre manière les textes religieux. Et dans ce sens-là, cette révélation ne deviendrait plus une preuve pour toi, mais bel et bien contre toi. Et certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faqad bayyana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li ummatihi as-sunnah. Et certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien éclairci, et a bien expliqué, et a bien éclairci à sa communauté la sunnah ainsi qu'à ses compagnons, radiallahu ta'ala anhum. Wa hum al-jama'a, et ils sont al-jama'a, ils sont le groupe qui est uni sur la sunnah. Quant à la suite qui est mentionnée ici par l'imam Barbahari et qu'ils sont la masse, c'est-à-dire la grande masse. Quand on dit la masse noire, c'est-à-dire quand on regarde à l'horizon, on voit une masse noire. Ça voudrait dire qu'ils sont nombreux. Ça, c'est tiré d'un hadith qu'a mentionné Sheikh Suhaimi Hafidhahullah Ta'ala fil Medina dans son char sunnah. Hein, il a fait le char explication du livre de l'imam Barbahari, où il mentionne que cette dernière phrase qu'a ramené l'imam Barbahari, elle est tirée d'un hadith, mais ce hadith, il n'est pas sahih. C'est un hadith da'if, même si l'imam Barbahari l'a ramené. Taïb. Et l'imam Barbahari rahimahullah aussi a ramené dans ce même livre, à la page 65, après ça dépend de la tab'a, la maison d'édition bien sûr, wal-asas, les bases sur lesquelles a été fondée et fondée al-jama'a, alladhi tubna alayhi al-jama'a, wal-jama'a wa hum ashabu Muhammad alayhi salatu wa salam, wa hum ahl sunnati wal-jama'a. Et al-jama'a c'est qui? C'est les compagnons du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, sont les gens de la sunna et du groupe. فَمَنْ لَمْ يَأْخُذْ عَنْهُمْ فَقَدْ ضَلَّ وَابْتَدَعَ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Quant à celui qui ne s'est pas accroché à eux, il s'est certes égaré et a innové. Et toute innovation est un égarement. Taïb. Puis il a continué, l'auteur, en disant ce qui vient différencier le manhaj salafi. Comment est-ce qu'on peut reconnaître ce manhaj? Comment est-ce qu'on reconnaît ce manhaj? Car beaucoup de gens entendent parler de salafiyya ou bien manhaj salafi, salaf salih, de la part de certains prêcheurs. Mais comment il peut reconnaître salafiyya, yani al-haq? C'est quoi vraiment ce manhaj, le manhaj salafi? Premièrement, les gens de ce manhaj sont sur la vérité. Et ils ne se mélangent pas avec les gens de l'innovation. Ces gens-là qui sont sur la vérité ne se mélangent pas avec les gens de l'innovation. Comme il a mentionné, ils ont mentionné le ulama par rapport à ce athar de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, lorsqu'il a dit « L'homme marche avec qui il aime ou qui lui ressemble ». Est-ce que tu marches avec des gens que tu n'aimes pas? Non. L'homme marche avec qui il aime ou qui lui ressemble. Lorsque quelqu'un, il cache son manhaj, il y a des gens qui ne sont pas clairs dans leur manière de parler. Quelquefois, ils font une da'wah ou ils prêchent. Leur da'wah n'est pas très claire. C'est des sous-entendus, ça cache quelque chose. Alors regarde avec qui il marche et qui il fréquente. Parce que l'homme marche avec qui il aime ou qui lui ressemble. Quelqu'un qui est à la sunna, il ne marche pas avec quelqu'un qui est dans l'innovation. Ma'al mubtadi'. Ne mélangez pas tout. On ne parle pas d'un petit jeune qui ne connaît rien, lui, miskin, il croit que c'est ça l'islam. Qu'il soit dans le jama'at tablir ou l'ikhwan ou la kada, hum ahlul bid'a, bilashik. Ils font partie des innovateurs et des groupes qui sont égarés et qui égarent encore jusqu'à aujourd'hui. Mais ce petit jeune, il vient, il croit que c'est ça l'islam, miskin. Alors il suit ce chemin-là. Celui-ci, on a besoin que de le conseiller. Il faut le conseiller, lui apprendre c'est quoi la sunna. Il ne suffit pas de dire aux gens, ne suis pas ça, ne suis pas ça, ne suis pas ça, et de laisser quelqu'un comme ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à chaque chose qu'il a interdit, il a mentionné l'autre direction. Ce bédouin qui est rentré dans la mosquée et qui a uriné, lui a dit, les mosquées, elles ne sont pas faites pour ça. Donc là, il lui a interdit une chose. Il ne faut pas faire ça. Mais les mosquées, elles sont faites pour le rappel d'Allah, pour les prières, pour la lecture du Coran. Il lui montre la direction à suivre. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas suivre l'ikhwan, ou tablir, ou kada, ou kada, ou kada, et tu laisses les gens comme ça. Et tu ne lui expliques rien. Il faut expliquer bil-ilm, ala basira, wa bil-hikma, wa bil-kalimati tayyiba. La base dans la da'wa, c'est la douceur. Ça, c'est la base. Dans la da'wa, c'est la douceur. C'est d'être doux avec la personne quand tu lui expliques. Qui va accepter qu'on lui crie dessus? Subhanallah. Il faut établir des preuves. Il faut parler avec des preuves. Ce qu'ils disent, eux, c'est pas bon. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'ils disent ça, ça et ça. Alors qu'Allah et son prophète, ça, même, ont dit ça, ça, ça et ça. Bil-ilm. Avec la science. Et un bon comportement. Taïb. Donc on reconnaît les gens de ce manhaj parce qu'ils détestent. Ils sont sur la vérité et ils détestent le faux. Il déteste la passion et le fait de suivre les passions. Et il n'aime pas les gens qui suivent leur passion et qui se détournent de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, Ils sont tous unis, ces gens, les gens de la Sunna, Al-Sunna, min al-Sahaba, wa min al-Tabi'in, wa al-Tabi'in, wa ghayrihim. Ils sont tous unis sur la Sunna et sur l'Aqida. Ils ne divergent pas fil l'Aqida. Ils n'ont pas de divergence fil l'Aqida. Dans l'Aqida, ils ont tous la même Aqida. Aqida tu Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hiya Aqida tu Salaf. Wal A'imma, radiallahu ta'ala anhum. Troisièmement, وأنهم أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله ثم قال لذلك فهم أشد الناس حبا للسنة. Troisième chose qui les distingue des gens, ce sont les gens les plus savants sur la circonstance, sur la circonstance du prophète صلى الله عليه وسلم. Il n'y a pas plus savant que eux sur le prophète صلى الله عليه وسلم, ainsi que sur ses actions et sur ses paroles. Et c'est pour ça que ce sont les gens les plus qui aiment le plus la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or le mubtadi, il essaye de faire croire que le salafi, il n'aime pas la sunna et qu'il aime que la division et qu'il aime que critiquer. Wallahi ahl sunna wal salafiyun ahabbu an-nas fi hubb as-sunna. Ashaddu min an-nas fi hubb as-sunna. Alors que ce sont les gens qui aiment le plus la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à tel point qu'ils la défendent. Il ne s'agit pas de dire j'aime la sunna et de ne pas défendre la sunna. Et que lorsque quelqu'un ramène une idée ou une aqida, une croyance ou une parole qui vient contredire cette sunna, comme ils disent les ulama, celui-ci, le diable l'a rendu muet. Il n'y a pas une génération qui soit passée sans que un groupe de cette génération, il prévient contre l'innovation. Et il rend batl leurs croyances et leurs fausses idées. تحذير من البدع. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Dans ses livres où ils disent ce que disent Al-Mu'tazila, Wal-Qadariya, Wal-Khawarij, Wal-Jahmiya, Wa-Ghayruhum. Bien sûr, d'autres viennent et ils nous disent mais ces sectes-là n'existent plus. Pourquoi vous parlez d'eux? Subhanallah. Aqidatuhum fi aqidati an-nas al-yawm fi ummatina. Leur croyance, elle est aujourd'hui dans le cœur des gens, dans notre communauté aujourd'hui. Leur croyance, elle est encore là, elle est encore présente. L'aqidatul ash'ariya. L'une des aqidas la plus répandue, si ce n'est pas la plus répandue dans le monde musulman. Où ils ont réfuté des attributs d'Allah, comme le fait qu'Allah, il parle. Allah huwa yatakallam. Wa kalama Allahu Musa takliman. Allah a parlé à Moussa. Et subhanallah, leur source, elle est tirée d'où? Comme il a dit Cheikh Suhaymi, hafidhahullah ta'ala, Al-Mu'tazila afqahu min al-Ash'ariya. Malgré qu'ils sont quand même dans le batil et dans le dalal. Al-Mu'tazila, ils ont mieux compris, on va dire, un peu mieux compris que l'Ash'ariya. Pourquoi? Parce qu'au moins, le Mu'tazila ramène des dalils. Même si c'est des dalils qui sont faux. Mais ils ont ramené des versets pour prouver ce qu'ils veulent dire. Pour dire que le Coran, c'était une créature. Et non pas un attribut d'Allah. Alors que l'Ash'ariya ne ramène aucun dalil pour dire qu'Allah, il ne parle pas. Ils ont tiré ça d'où? D'un poème d'un chrétien. Un chrétien qui a fait un poème. Et de ce poème-là, ils en ont tiré cette règle-là que Allah, il ne parle pas. لا حول ولا قوة إلا بالله ولا آية من القرآن ولا حديث ولا شيء. طيب. Donc les gens de la Sunna sont les gens les plus accrochés au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont un dalil, ils ont une preuve pour chaque chose qu'ils croient ou qu'ils disent ou qu'ils appliquent. Et regardez les livres des plus grands parmi les compagnons, مثلاً, lorsqu'ils disent qu'est-ce que je disais juste avant? Juste avant. Pour chaque chose qu'il ramène, il dit quoi? قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يقولون هذا يقول أهل السنة والجماعة كذا وكذا. وقال الله تبارك وتعالى الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. Il ramène une preuve pour chaque chose. Dans l'aqida de Al-Sunnah, on doit croire ça. C'est quoi le dalil ? يعني مثلا نعتقد أن الله عز وجل هو يتكلم. الدليل يقول الله تبارك وتعالى كلم الله موسى تكليما. دليل خلاص. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصحابي في الدليل. On parle de religion. Or la religion elle mérite des preuves. Et on se doit de parler avec des preuves. Et de recevoir des preuves et de demander des preuves. C'est ton droit en tant que musulman. Tu auras choisi cette religion, alors tu as le droit de demander des preuves. Et à la personne de te ramener des preuves, mais à la bonne compréhension. Quatrièmement, اعتقادهم أن طريقة السلف الصالح هي الأسلام والأعلام والأحكام. لكن ما يقول أهل الكلام أن طريقة السلف أسلم وطريقة خلف الخلف أعلم وأحكام وليعذ بالله. La croyance de Ahl Sunnah, c'est la croyance et c'est le chemin des pieux prédécesseurs. Et c'est le chemin, yani le meilleur et le plus savant, qui détient le plus de science, c'est Wal-Ahkam. Wal-Ahkam. Al-Akulihal, c'est le meilleur des. C'est la meilleure tariqa. Alors que Ahlul Kalam, ils ont dit quoi ? Ils ont dit. Ahlul Kalam, ils ont dit « Tariqatu salaf aslam ». La voie des salaf, c'est vrai, « Hiya l'aslam ». Wa tariqatu l'khalaf, par contre, la voie de ceux qui sont venus après eux, comme aujourd'hui, « A'lam wa ahkam ». Comme si on aurait plus de science que « As-salaf al-salih ». Comme si on pourrait juger mieux que « As-salaf al-salih ». Hada laysa bis-sahih. كما قال أحد من الإخوان إخوان المسلمين هو يقول أن parmi الإخوان il a dit un jour il a dit جماعة التبليغ ils ont الأخلاق والأداب ils ont les bons comportements نحن الإخوان إخوان المسلمون on a tout ce qui est المعاملات le social tout ce qui est social les يعني المعاملات les relations entre les gens tout ce qui est du domaine du social c'est nous qui l'avons يعني الإخوان إخوان المسلمون والسلفيون عندهم العلم ما هذا؟ هذا قول باطل في الكتاب والسنة فيه العلم والمعاملات والأداب والأخلاق وكل شيء ولهذا قال بعض السلف الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع السلف il disait tout le bien que ce soit les relations avec les gens, les bonnes relations avec les gens, les comportements, la science, tout le bien se trouve dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le mal se trouve dans le fait d'innover. Tayyib, s'il dit « Jama'at al-tabli'i idum al-akhlaq wa al-adab », il s'est trompé. Parce que le meilleur des comportements, ce n'est pas avec les gens. Le meilleur des comportements, « Awwalan ma'allahi wa rasoulihi sallallahu alayhi wa sallam ». عنده الأخلاق والأدب مع الناس مع الشباب المسلمين مع فلان وفلان وفلان لكن مع الله تبارك وتعالى هل هو موحد هل هو يتبع الكتاب والسنة بفهم السلف هل هو يتبع السنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم في كل شيء حتى في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى Si tu dis qu'ils ont les bons comportements ils ont peut-être des bons comportements avec les gens mais le meilleur comportement avant toute chose c'est avec Allah et son prophète صلى الله عليه وسلم Est-ce qu'il prêche comme Allah a voulu qu'il prêche Et comme le professeur m'a voulu qu'il prêche, et d'appeler en premier à quoi Tawhidullah tabaraka wa ta'ala. Alors que aqidatuhum aqidatu wahdatul wujud, alors que l'aqidah de Jama'at al-Tabli'i, c'est wahdatul wujud. Yani inna Allah tabaraka wa ta'ala fi kulli makan. Hada laysa bisahih. Peut-être qu'ils ont un bon comportement avec les gens, mais il est où leur comportement avec Allah et son prophète ? Il est où le comportement avec la sunna, as-sahiha, avec l'ilm ? Vouloir prêcher, c'est une chose. Il n'y a pas de mal. On n'a jamais dit que les savants de al-sunna, ils n'ont jamais dit que prêcher, c'est interdit. Bien au contraire. Mais il faut un bagage, Yahri. Celui qui n'a rien ne peut rien donner. Tu n'as rien appris, qu'est-ce que tu vas prêcher aux gens ? Tu veux lire les hadiths? Tu veux lire Riyad Sarihin? Riyad Sarihin, ils le lisent aux gens. Il y a un mal à lire Riyad Sarihin aux gens? Est-ce qu'il y a un mal? Il n'y a pas de mal, à condition que tu le fais avec science. Il ne s'agit pas de lire des hadiths et que chacun part avec sa compréhension. On peut vous lire un hadith. Toi, tu vas partir avec ta compréhension. Lui, il va partir avec sa compréhension. Toi, tu vas partir avec ta compréhension. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien expliqué. Chacun, il part avec sa propre compréhension. Chacun, il va se dire, ah bah tiens, du hadith, à mon avis, on peut tirer ça comme idée. Non, il y a des ulama pour ça. Il y a des ulama qui ont toujours expliqué les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, tu dois expliquer avec science. Tu vas appeler les gens à quoi? À dire qu'Allah, il a créé telle chose, ou telle chose, ou telle chose. Comme on entend dire, regardez comment Allah, il a créé telle chose. Wallahi ajib, ya yuwal ikhwa. Comment Allah, il a créé telle chose, et telle chose, et telle chose. Ya akhi, si tu demandes à un juif et un chrétien qui a créé tout ça, il dira c'est Allah. Il n'y a pas de différence entre nous et eux là-dessus. La différence, c'est comment on adore Allah, tabaraka wa ta'ala. Les prophètes n'ont pas été envoyés pour montrer tawhid al-rububiyya, mais pour montrer tawhid al-uluhiyya. Kayfa ta'budullah, tabaraka wa ta'ala. Comment tu adores Allah? Comment tu adores Allah? C'est ça la chose, pourquoi ils sont venus les prophètes. Il y a des règles. La compréhension des textes, elle a des règles. Et ces règles-là, elles viennent d'un salaf. Tu as beau dire qu'il faut faire khourouj 40 jours, ou 3 jours, ou 4 mois, ou ce que tu veux. Ils ont des preuves, ils ont des arguments. Mais est-ce qu'ils sont à la compréhension de salaf? Parce que c'est ça qui différencie quelqu'un de la sunna de quelqu'un qui n'est pas sur la sunna. Les deux, ils vont ramener leurs preuves. Mais il y en a un des deux qui va ramener à la compréhension des salafs. Il retourne aux grands savants et aux savants de l'époque. Aussi bien d'aujourd'hui que de l'époque. Quand Allah il dit, mathalan, et parcourez la terre pendant 4 mois, regardez ce qu'Allah a créé comme merveille et vous ne réduirez en rien la puissance d'Allah. Parcourez la terre pendant 4 mois. Jama'at al-Tabligh, ils disent, mathalan, ça c'est sortir 4 mois. Khuruj fi sabilillah, 4 mois. Il est là de Dalil, parcourir la terre pendant 4 mois. Quelqu'un qui ne connaît pas, il va dire, ils ont raison. Il m'a sorti la preuve. Akhi, ça ne suffit pas. Il va falloir que tu passes à une autre étape. Parce que de nos jours, on ne peut plus se permettre d'accepter cela. Il faut aller plus loin que ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Salaf? Qu'est-ce qu'ils ont dit les pieux prédécesseurs? Va regarder dans le tafsir. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il a dit, هذه الآية للمشركين والكفار. Ce verset, il est pour le kuffar. Qu'il parcourt la terre pendant 4 mois. Qu'il regarde la puissance d'Allah. Comment Allah, il a créé telle chose et telle chose et telle chose. Et s'ils ne croient toujours pas en Allah, ils ne veulent toujours pas adorer Allah, alors Allah se passe. Allah est puissant, il se passe de leur mécréance. Il a dit ce verset, il est pour qui? Lil kuffar wal mushrikin. Or toi, tu viens et tu dis aux musulmans, parcourez la terre pendant 4 mois. Il est là de Dalil. وقول الله تبارك وتعالى انتم خير امه اخرجت للناس اخرجت يعني خروج في سبيل الله. Vous êtes la meilleure des communautés qu'on a fait sortir. Eux ils disent خروج في سبيل الله. طيب من قال هذا? Quel est le compagnon qui a dit ce que vous dites? Qui est le grand savant de la Ummah qui a dit ce que vous dites? لا احد. Il n'y en a pas un seul. Parce que tous sont expliqués. Vous avez qu'à ouvrir vos livres et regarder. On n'appelle pas à du battle, on n'appelle pas à du vent, on n'appelle pas à je dis ou je pense ou je crois. On appelle à ce que l'ulama il mentionne dans leurs livres. Et l'ulama aussi bien de notre époque que ceux d'avant, de Al-Sunna, lorsqu'ils ont expliqué, regarde dans tafsir al-Qur'an, c'est ça l'ilm, c'est de regarder l'ilm, qu'est-ce qu'ils disent, les textes. Et tous ont été unanimes pour dire quoi? Antum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, yani min an-nas lin-nas. Vous êtes la meilleure des communautés qu'on a fait sortir, c'est-à-dire As-Sahaba, radiallahu anhum. Vous êtes la meilleure des communautés qu'on a fait sortir, vous, As-Sahaba, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On vous a fait sortir parmi les gens, pour les gens. Pourquoi? Pour que vous transmettez le message du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Que vous transmettez cette sunna. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, a choisi As-Sahaba pour entourer le messager d'Allah. Il les a choisis eux et pas quelqu'un d'autre. Et ce sont les meilleurs des gens qu'on a fait sortir de cette communauté. Il n'est pas question de parcourir, de faire le khourouj. Et tous les hadiths qui parlent de khuruj, kharaja ou kharaju, yakhruju ou khuruj, ils les ont mis dans ad-da'watu ila Allah. Hada laysa bi sahih. Un musulman, il faut être honnête avec lui. Tu lui ramènes les textes, ramène-lui tous les textes, et non pas une partie. Ad-dinu an-nasiha. Jamais les savants, ils ont interdit de faire da'wa. Mais de faire da'wa sans science, ça, oui, ils l'ont interdit. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a certes ordonné le contraire. Qul ad'u ila Allah ala basira. Allah a dit, dis, ya Muhammad, dis, ad'u ila Allah. J'appelle à Allah. Yani à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. À revenir à Allah tabaraka wa ta'ala. Ala basira. Sur quoi? Une clairvoyance. Yani al-ilm. Ala al-ilm. Ala basira, yani al-ilm. Et non pas avec le khurafat, non pas avec des histoires ou des légendes ou autres, comme on a entendu, et comme chacun d'entre vous a dû entendre. Combien d'histoires, des fausses histoires, wallahi c'est du kadib, elles sont fausses. Celui qui a dit mathalan, et c'est juste pour prouver que c'est un mensonge. Et des histoires, il y en a plein d'autres, mais ça ne sert à rien de tout raconter. Vous pouvez revenir à des gens qui étaient avec Jama'atut Tabligh, qui se sont... Même des mashayikhs de chez eux qui ont fait taouba et qui sont revenus à la sunna et qui ont écrit des livres. Et qui ont écrit des livres et qui décrivent tout ce qui s'est passé. Et qui montrent cet égarement. Comme celui qui a mentionné, un jour, je suis tombé dans un puits. Et je me suis dit, je vais crier à l'aide. Mais je n'ai pas crié à l'aide. Pourquoi? Parce que si je crie en vérité, ça montre que je n'ai pas confiance en Allah. Donc premièrement, il a enlevé quoi? As-sabab. La cause. Alors qu'Allah l'a bien mentionné, à toute chose nous avons décrété une cause. À toute chose nous avons décrété une cause. Il y a une cause. Il faut faire la cause, sabab. Alors lui il a dit, je ne vais rien dire. Tawakkul Allah. J'appelle personne. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui va me sauver de là. Il dit, j'ai patienté jusqu'à ce qu'une main géante elle rentre dans le puits et elle me sorte du puits. Ma hadha ya akhi. Ittaqillah. اتق الله تبارك وتعالى هذا من الكذب يوسف عليه الصلاة والسلام que ses frères ils ont jeté dans un puits alors qu'il est un prophète d'Allah تبارك وتعالى c'est un homme qui l'a sorti du puits mais toi avec ta crainte soi-disant c'est toi c'est une main géante qui va te sortir du puits ما هذا يا أخي هذا من الكذب هذه دعوة إلى الله تبارك وتعالى هذه الدعوة إلى السنة هذه الدعوة إلى الكتاب والسنة دعوة باطلة Bilashik. C'est ça le da'wa? On ment dans le da'wa? Le prophète Sam, il a menti pour faire le da'wa? Le prophète Sam, il a appelé les gens, il a menti pour appeler les gens à venir à cette religion? À cette belle religion qu'est l'islam? Subhanallah. Ma hadha ya akhi. Alors on se doit de revenir à la sunna. Vous voulez prêcher? Prêchez. Mais prêchez comme a prêché le prophète sallam. Il a prêché les gens à revenir à Allah, à l'adoration d'Allah seul, sans rien lui associer, avec science. Et leur argument qui est de dire, mais regardez Sahaba, où est-ce qu'ils sont, on a retrouvé leur tombe. Premièrement, rien ne te dit que c'est vraiment leur tombe, premièrement. Deuxièmement, même s'ils sont partis et ils sont morts là-bas, on parle de qui? On parle d'ignorants ou on parle de Sahaba, radiallahu anhum? On parle des compagnons du prophète, sallam. Ce sont des savants. N'oublie pas qu'ils ont côtoyé le prophète, sallam, qu'ils étaient là quand la révélation est descendue, que leur professeur, c'était le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qu'ils connaissent le Coran et la Sunna mieux que toi, mieux que quiconque. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors oui, ils sont partis faire da'wah, mais c'était des savants. Ils sont partis avec la science. Et non pas un jeune qui vient de rentrer dans l'islam, on lui dit, va faire le bayan après la prière. Lève-toi et fais le bayan. Il connaît quoi pour faire le bayan, ya akhi? Il connaît quoi pour parler aux gens? Subhanallah. Ma hadha. Et malheureusement, beaucoup de jeunes sont aveuglés par cet égarement. Mais ils n'égareront que ce qu'Allah Azza wa Jalla égarera. Celui qui est sincère, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, et qui veut revenir au Coran, à la Sunna, Allah Azza wa Jalla le sauvegardera de cela. Pour finir, Inch'Allah, parmi les choses qui les distinguent des autres, ce sont des gens, les gens de la Sunna, qui, avec leur aqidah sahiha, avec leur bonne croyance, prêchent à cette da'wa, ta'lim nas, ils apprennent aux gens. Ils apprennent aux gens et ils conseillent aux gens. Ils ne laissent pas les gens partir comme ça. Ils leur apprennent Et ils font en sorte que les gens repartent avec une bonne compréhension des textes. Ils ne les laissent pas partir comme ça. Et aussi bien qu'ils recommandent le bien et qu'ils recommandent la sunna, aussi bien qu'ils préviennent contre ce qui diverge de cela. Et les gens de la sunna, pour finir, sont toujours au juste milieu. Hein, ils sont toujours au juste milieu, les gens de la sunna. Comme les musulmans sont au juste milieu avec les prophètes, par exemple. Ni ils n'ont tué des prophètes, ni ils n'adorent des prophètes. Alors les gens de la sunna sont au juste milieu. Les gens de la sunna restent au juste milieu. Parmi tous les groupes, on trouve des extrêmes qui vont des deux côtés. Comme le Mourdia qui disent que t'as beau faire tous les péchés que tu veux, la foi elle bouge pas, t'as toujours la bonne foi. Et t'as le Khawarij qui sont à l'autre opposé. Celui qui fait les grands péchés, c'est un kafir. L'autre opposé, les deux opposés. Al-Sunnah, ils sont au juste milieu. Celui qui fait un grand péché, il a commis un grand péché, mais ça ne le fait pas sortir de l'islam tant qu'il n'y a pas l'istihlal, tant qu'il n'a pas rendu la chose halal. Or, la foi, elle monte par les bonnes actions, mais elle diminue par les mauvaises actions. Donc, Al-Sunnah sont toujours au juste milieu. C'est ce qui fait qu'on peut les reconnaître. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله لي ولكم